Les romans finirent avec l'été de 1719. L'hiver suivant, ce fut autre chose. La bibliothèque de ma mère épuisée, on eut recours à la portion de celle de son père qui nous était échue. Heureusement, il s'y trouva de bons livres. Et cela ne pouvait guère être autrement. Cette bibliothèque ayant été formée par un ministre à la vérité et savant même, car c'était la mode alors, mais homme de goût et d'esprit. L'histoire de l'Église et de l'Empire par Le Sueur. Le discours de Bossuet sur l'histoire universelle. Les hommes illustres de Plutarque. L'histoire de Venise par Nani. Les métamorphoses d'Ovide. La Bruyère. Les mondes de Fontenelle. Ses dialogues des morts. Et quelques tomes de Molière furent transportés dans le cabinet de mon père et je les lisais tous les jours durant son travail. J'y pris un goût rare et peut-être unique à cet âge. Plutarque, surtout, devint ma lecture favorite. Le plaisir que je prenais à le relire sans cesse me guérit un peu des romans, et je préférais bientôt Agésilas, Brutus, Aristide, à Orondate, Artamène et Juba. De ces intéressantes lectures, des entretiens qu'elles occasionnaient entre mon père et moi, se forma cet esprit libre et républicain, ce caractère indomptable et fier, impatient de joug et de servitude, qui m'a tourmenté tout le temps de ma vie dans les situations les moins propres à lui donner l'essor. Sans cesse occupé de Rome et d'Athènes, vivant pour ainsi dire avec leurs grands hommes, né moi-même citoyen d'une république et fils d'un père dont l'amour de la patrie était la plus forte passion, je m'en enflammais à son exemple. Je me croyais grec ou romain. Je devenais le personnage dont je lisais la vie. Le récit des traits de constance et d'intrépidité qui m'avaient frappé me rendait les yeux étincelants et la voix forte. Un jour que je racontais à table l'aventure de Cévola, on fut effrayé de me voir avancer et tenir la main sur un réchaud pour représenter son action.